Bonjour. Je suis allé voir vite fait, là. Bon, ces temps-ci, je suis dans une phase, j'ai pas beaucoup de temps. C'est rare. Donc, mais je suis allé voir quand même les commentaires. Les commentaires pour, suite à la vidéo de l'oiseau moqueur. Puis bon, s'il est accusé de diaboliser Glenn. Bon, pour les images du début, où on voit le pape François, puis après il y a une espèce de je sais pas trop quoi, là, ça doit être un groupe britannique, là. Un groupe de musique britannique, probablement. En tout cas, ça sent la Grande-Bretagne, hein, c'est vraiment pas beau. Puis ça, je le vois comme une mise en contexte de l'époque. Donc, oui, jusqu'à un certain point, il y a peut-être une diabolisation de l'époque. Mais comme je l'avais dit, puis même aussi l'oiseau moqueur dans ses propos. Il dit bien hein, qu'il montre M. Glenn comme une victime. Une victime. Puis, bon, je vois pas où est la diabolisation. Au fond, peut-être à part le monsieur là, qui nous coche toutes les cases de Davos. Là, puis ça, oui, il y a peut-être une diabolisation, mais ça, j'avoue, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça parce que ça revient à appeler un chat. Puis c'est un gros chat. Un gros chat. Une sorte de sphinx. Donc, l'affaire par rapport. Là, je regardais par rapport. Hier, encore par hasard, je passe dans le salon, puis là, il y a une émission de Canal D. Puis, c'est encore des affaires à devenir, puis encore une fois, c'est juste la thèse extraterrestre qui est exposée, mais la place où c'était filmé, c'est une place que je me suis déjà intéressé, puis je le sais que l'autre côté des montagnes, il y a une base militaire. Donc ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Depuis une dizaine d'années et plus, on est bombardé de propagande sur les ET. Ça arrête pas. Ça arrête pas. Un vrai bombardement. Puis c'est jamais la thèse dont nous on parle par rapport à de la programmation mentale. Ça, c'est jamais abordé dans les médias. Pourquoi? Ben parce que c'est la job des médias de faire de la programmation. C'est leur job. Ceux qui s'intéressent, là. L'opération Mockingbird, ces choses-là. Aussi, si on prend Michael Aquino, département de la guerre psychologique du Pentagone, c'est pas moi qui l'invente, là, ce bonhomme-là. Puis c'est de comprendre que toute cette propagande-là, par rapport à tout le temps faire bifurquer les gens vers la thèse extraterrestre, alors qu'il y a clairement des programmes militaires, entre autres, des programmes de guerre psychologique, des choses comme ça fait partie. Ça fait partie de la guerre psychologique. Puis, chose que je ne savais pas en lisant les commentaires, il semblerait que le jour où ça a été publié, c'était l'anniversaire de M. Glenn. Donc, c'est sûr que ça pourrait avoir l'air d'être de la méchanceté pure, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. L'affaire, c'est que, étant donné qu'il y a une espèce d'obstination à pas vouloir aborder certains sujets, moi, je trouve ça suspect, puis je suis pas tout seul. Prenez juste les Grammy Awards. Hein. Il y a des petites parties. J'ai juste vu des extraits parce que des affaires de même. J'écoute pas ça. Mais j'ai juste vu des extraits. Puis ça nous rappelle un petit peu Anton LaVey. Hein. Puis on se rend compte qu'il y a encore de l'influence pas mal de ces affaires-là. C'est comme Michael Aquino. On sent encore son ombre planer. Hein. Puis bon. Mais ça, non, on parle pas de ça. Les ésotéristes, ils parlent pas trop de ces affaires-là. Jamais. Puis bon. L'affaire, là, c'est que c'est rendu, on dirait, au niveau d'une espèce de moralité à quatre sous. C'est pire de dénoncer certaines choses que de les commettre. Puis là, on vient nous faire la morale. Désolé, mais ça fonctionnera pas. Puis je le sais que l'oiseau moqueur, il est assez intelligent. Je pense pas que ça l'influence d'aucune façon. D'aucune façon. Pourquoi j'ai parlé des Romanov? Bon, là, quand j'ai mis le lien. Ben, prenez la famille royale française, l'époque de Louis XVI. La famille royale est assassinée. Au fond, le petit Louis XVII a été affamé. Il est carrément mort d'inanition dans une cellule. Puis, pas mal plus tard, pas mal, en tout cas, au niveau d'une vie humaine, c'est beaucoup de temps. Mais plus tard, après, il y a les Romanov qui se font tuer. L'affaire, c'est que on commence par tuer des familles royales, mais aujourd'hui, c'est vos familles qui sont en danger, c'est vos familles qui sont attaquées, c'est vos familles, la famille de tout le monde qui est attaquée par ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en Occident, on est gouverné par des francs-maçonneux. C'est des gouvernements francs-maçonneux de marde. Donc, à un moment donné, c'est parce qu'il va falloir avoir le courage d'en parler. Puis aussi, là, Glenn, là, la propagande par rapport, là, c'est rendu que le paraclet puis l'Esprit-Saint, c'est lié aux extraterrestres. Là, à un moment donné, il y a des maudites limites. Puis je pèse mes mots, des maudites limites. Mais M. Glenn, il y a un droit de réponse, il y a un droit de réponse au niveau de ce qui est dit publiquement. Là, s'il s'en va répondre dans le club trié, ben là, c'est sûr que moi, je ne paierai pas. Je ne paierai pas pour aller écouter ça. Il n'y en est pas question. Puis, mais il reste que c'est un droit de réponse pareil. Mais moi, je pense qu'il n'y en aura pas de réponse. Pourquoi? Parce que ça reviendrait un petit peu comme, vous savez, il y a un vieux conte. Un vieux conte yiddish, c'est un jeune homme qui tue son père, puis une fois devant ses juges, il dit « prenez pitié d'un pauvre orphelin ». Ça revient à ça, ça reviendra à ça un petit peu, peu importe la réponse qui sera apportée. Puis, pour m'être intéressé au tantrisme à certaines époques, là, ce qu'on appelle la voie de la main gauche, ça n'a rien à voir. En fait, des affaires comme... qu'on pourrait plus se rapprocher de M. Glenn. Ça, j'ai vu ça en lisant le baron de Puységur. C'est-tu le comte ou le baron? Je m'en souviens plus. Il y a le baron du Potet aussi. Oui, au niveau du magnétisme, il y en a que, bon, il y aurait certaines effluves qui sont liées à certains centres, puis bon. Mais il reste que, bon, ces gens-là commettaient pas d'attentat à la pudeur pour soigner, là. Hein? Faudrait pas tout mêler, là. Faut pas non plus... faudrait pas digresser à ce point-là, là. Hein? Il y a des maudites limites. Puis là aussi, le monsieur, là, que j'oublie le nom, là, souvent il y a certains types de personnes, je ne suis pas capable de retenir leur nom. Puis, bon, ben, que le monsieur pas de cheveux, là, qui nous coche toutes les cases de Davos, puis qui nous fait de la propagande, là, dans le fond, moi je considère que c'est de la propagande. C'est de la propagande grossière en plus, inacceptable, En tout cas, pour un gars de région comme moi, là, moi les artistes là, numériques là, des grandes villes là, qui se promènent à Bessic et qui boivent dans des pots maçons, ben de la misère avec ça. Surtout venir nous dénigrer là, les rednecks croyants là, du Texas, là, ben moi je les aime eux autres. C'est sûr que je me sens plus proche d'eux autres. Hein? Puis bon... Fait que, attention, il y avait de la provoque un petit peu. Hein? C'était un petit peu comme la cérémonie des Grammy Awards, là, que les danseurs sont déguisés un peu comme le cabochon à Anton Lavey, là. C'est de la provocation, ça, là. Puis si vous vous attendez à ce qu'il n'y ait pas une réaction, vous vous mettez le doigt, je ne sais pas où, mais il sent pas bon. Donc, attention, là. Puis venir nous faire de la morale... La morale, pourquoi? Parce que les thèses par rapport à certains programmes militaires, puis certains programmes par rapport au contrôle de la pensée de la population, à l'induction, à la psychologie de masse, il n'y a personne qui en parle. Presque personne qui en parle. C'est... Puis non, qu'est-ce qui est opinion sur rue? Qu'est-ce qui est à la télévision, à Canal D, Canal Nerds, Canal Z, je ne sais pas trop. Il y a encore des maudites affaires. Ça va tout le temps dans la même direction. Les extraterrestres, les petits gris, puis blablabla. Non. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y aurait d'autres hypothèses de travail, puis c'est plus plausible, pas mal plus plausible. Puis une fois qu'on observe ça, ben tout s'éclaire. Le but, c'est pas de diaboliser personne. Le but, c'est qu'il y a des gens qui sont dans une nouvelle religion qu'on appelle des cultes soucoupistes. Au fond, c'est des cultes soucoupistes. Puis, ils sont complètement les yeux là, dans la graisse de bine. C'est pire que de la graisse de bine de ce qu'il y a eu avant. Là, là on est dans de la graisse de rôti. Puis, ouais. Fait que jusqu'à un certain point, je voudrais pas pasticher le style de d'autres, mais jusqu'à un certain point, c'est par générosité. Puis il n'est jamais trop tard pour admettre certaines choses. Peut-être que M. Glenn, à un moment donné, il va se réveiller puis il va se rendre compte, mais comme l'oiseau moqueur, il dit, ça serait surprenant. Ça serait surprenant. Mais il reste que c'est un petit peu une main tendue, là. C'est un petit peu une main tendue, dans le sens que, ben là, ça commence à devenir grave. Ça commence à devenir grave. Puis tout ce qui touche à la famille, aux enfants, faire très attention, parce qu'il va falloir mettre des balises claires. Très, très, très, très clair. Parce que l'affaire là, qu'il y aurait là-dedans de faire accepter l'inacceptable, là, je suis parfaitement d'accord avec l'oiseau moqueur. Puis de l'inacceptable, il n'y en a rien qu'en masse, il y en a de plus en plus. Puis il y a un pourcentage de la population qui est programmée, conditionnée, et qui accepte de plus en plus l'inacceptable. À un moment donné, ça prend des chocs. Pour qu'il y ait une, si on peut dire, une déprogrammation à ce niveau-là. Donc, il y a des affaires, vous touchez pas à ça. Parce que là, on va dire quelque chose, il y a du monde qui vont parler. Il y a du monde qui vont dire quelque chose. Puis, revenez pas après faire de la moralisation à quatre sous, de l'inversion. Faites bien attention. Parce que ça fait juste confirmer qu'il y en a en maudit qui sont programmés. Il y en a en maudit qui sont programmés, puis qu'au fond, c'est une religion. C'est une religion. Parce que dès qu'on essaie de défaire ces affaires-là, il y en a, ils deviennent irrationnels, ils deviennent émotifs, puis ils deviennent agressifs. Donc, à un moment donné, il va falloir avoir la froideur d'une lucidité avec une main ferme. Puis, c'est une question pas juste de principe. C'est juste une question, comment je pourrais dire ça, de sanité publique. De sanité publique. Donc, vos crises de petits gris, faites bien attention de ne pas nous présenter ça comme des divinités d'aucune façon. Puis aussi le mensonge par omission. Le mensonge par omission de tout le temps trier juste ce qui fait votre affaire dans ces affaires-là. Faites bien attention. Faites bien attention. Parce qu'il n'y a pas juste le Mont Saint-Hilaire qui est lié justement à l'université McGill, qu'on sait ce qui est arrivé, les sleeping rooms, ces choses-là. Il y a un paquet d'autres montagnes. Que finalement, c'est comme dans des films de James Bond. On cache des affaires dans des montagnes ou en dessous de montagnes. Parce qu'il y a le Mont Radar aussi. Puis, ouais. Ouais. Donc, aussi, ce serait peut-être intéressant, c'est de comprendre que, oui, possiblement qu'il y a des, ce qu'on pourrait appeler des êtres, mais qui ne sont pas des extraterrestres, mais qui viendraient de ce qu'on appelait anciennement, vous savez, là, le monde souterrain. Donc, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de se renseigner un petit peu, parce que les gens qui parlent de ça, d'habitude, ils se font tuer, c'est pas long, hein? Ils se font tuer, c'est pas long. C'est souvent des communicateurs, puis on laisse des messages hein, quand on les tue, les gens qui. Bon, les services de renseignement qui éliminent ces gens-là, dont un monsieur américain qui parlait de ces choses-là en connaissance de cause, qui a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Le monsieur pouvait même plus vivre dans sa maison, il faisait des conférences, puis il pouvait pas passer vraiment beaucoup de temps dans chaque hôtel parce que sa vie était constamment en danger. Ils l'ont étranglé avec le fil du téléphone. Hein? Si on n'en parle jamais, d'autres conférenciers, là, ils ont été carbonisés dans leur lit par quelque chose, là, ça venait du ciel, là, ça fait des trous, là, ça fait 1 mètre de diamètre. Ça passe à travers les toits, sans mettre le feu aux maisons, mais ça carbonise les gens dans leur fauteuil, dans leur lit. Si on n'en parle jamais, c'est des choses dont on ne parle jamais. Mais le problème, c'est que, ben, c'est bien dommage, mais il y a des documents qui circulent. Il y a des archives non officielles, souvent dans des sous-sols de bungalows. Puis c'est promené d'une maison à l'autre parce que, pour pas les faire saisir, hein, il y a certaines choses à un moment donné par rapport à de la technologie militaire, puis d'une certaine guerre qu'on pourrait dire que certaines agences font contre la population au niveau d'un contrôle de l'information. Ça, c'est tabou, on n'en parle pas. Hein? Puis moi, j'aimerais ça comprendre pourquoi dans le nouvel âge, puis dans certains domaines, il y a tant d'affaires de mœurs. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Surtout chez les soucoupistes ou les vedettes des milieux soucoupistes. Prenez juste, vous vous souvenez, là, dans les années 90, là, il y en avait un, là, c'était rendu une grosse vedette, puis comme de raison, ça passait à Canal D, ça passait à Canal Z, puis tout, Bob Lazar, là, ben lui aussi, des affaires de mœurs, puis des affaires de mœurs, puis tout le temps des affaires de mœurs. À un moment donné, il va falloir comprendre c'est quoi les obsessions qui mènent à de la fascination. On commence par de la fascination, après obsession, après de la possession. Il y a du monde que je considère c'est des victimes parce qu'ils sont clairement pas tous à eux autres. Puis quand on dit un tel un agent, ben dans le sens on est tous des agents de quelque chose. Parce que bon, il y a le matériel densifié, puis il y a le subtil. Hein? Donc, on est tous les agents de quelque chose, quelque part. Puis jusqu'à un certain point, on pourrait dire qu'il y a la guerre dans le ciel. Il y a la guerre dans le ciel. La Terre devient un reflet de ça. Donc, bon, on ne commencera pas à rougir. Il n'y en est pas question. Puis, on n'a pas non plus à avoir honte. Au contraire. Parce qu'il y en a, ils essayent de faire de l'inversion, puis ils essayent de faire transférer ça. Non, ça ne fonctionnera pas, là. Ça ne fonctionnera pas. Des affaires comme Michael Aquino, je l'ai déjà dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce gars-là. Puis, c'est pas moi qui l'ai mis officier... militaires. Les maudits Américains. Hein? C'est eux autres, dans le fond, qui mènent le monde. Mais là, de toute façon, au point où on est rendu, on pourrait dire qu'il y a peut-être juste un État en ce moment. Mais il reste que dans ces milieux, certains milieux, bon, ils se font la guerre en clics pareil. Puis, mais c'est tout le temps le public qui paye. C'est tout le temps les civils qui vont payer. Tout le temps. Puis comme je vous dis, bon, à un moment donné, on assassine la famille royale française. Après, des générations plus tard, les Romanov. Mais aujourd'hui, c'est vos familles qui sont attaquées. La famille. Donc, faire bien attention. Puis c'est tout le temps les plus vulnérables qui payent. Prenez là, les derniers 2 ans qu'on a eus, de la façon dont les enfants ont été traités dans les centres jeunesse, là, qui ont été enfermés plus de 10 jours dans des pièces sans fenêtre, les personnes âgées qui ont été... Moi, je considère que c'est de l'homicide par négligence dans les CHSLD, puis le gouvernement ne veut pas d'enquête là-dessus. Puis après, eux autres, ils votent l'immunité pour des affaires. C'est quoi qu'on entend par un gouvernement responsable? Si vous votez l'immunité, on n'est plus d'une démocratie, et c'est plus un gouvernement responsable. C'est des irresponsables. Puis, les maudites loges puis ces affaires-là, il n'y a personne en autorité qui devrait avoir le droit d'être là-dedans. Personne. Parce qu'on le sait que c'est lié aux agences de renseignement, c'est lié à toutes sortes d'affaires, même la mafia. La mafia! Regardez les liens entre la CIA dans le temps, puis le mafieux, là, Traficante. Hein? Il s'appelait Trafiquant. Ça ne s'invente pas, hein, des choses comme ça. Ça ne s'invente pas. C'est peut-être, bon, le hasard fait bien les choses. Ça, c'est une façon de dire qu'il n'y en a pas de hasard. Puis bon, la vidéo, ça serait tombé le jour de l'anniversaire de Glenn. Bon, le hasard fait bien les choses. L'affaire, moi, je le considère comme une victime. Puis je suis sûr que l'oiseau moqueur aussi. Dans le sens que c'est peut-être pas volontaire de sa part. C'est de la programmation, au fond. C'est de la programmation. Puis oui, il y a un agenda. Puis oui, ça se suit. Ça se suit. Puis oui, il y a des liens à faire entre les montagnes, des programmes militaires, les phénomènes ufologiques, puis de la programmation mentale. Puis après, de la psychologie de masse dans les médias pour créer un état de réceptivité dans le public qui les rend encore plus vulnérables. Donc, jusqu'à un certain point, c'est par charité, c'est par générosité. Puis il y en a qui sont les yeux, là, d'engraisse de routi, calé par-dessus la tête dans ces affaires-là. Si certains chocs peuvent permettre de les sortir de ça, parce qu'il reste que ça gâche la vie des gens. Il y a des gens, ça a complètement gâché leur vie. Complètement. C'est ça, moi, que je considère comme inacceptable. C'est pas de l'affaire d'accuser des individus, mais au moins dire, ben ces individus-là, c'est des victimes, puis ça sert d'eux autres. Ça sert d'eux autres, puis c'est déplorable. C'est pitoyable, ça, dans le sens que ça fait pitié. Ça fait pitié. Jusqu'à un certain point, M. Glenn, il fait pitié. C'est triste. Oui, c'est triste. Donc, bon. Puis l'affaire après, bon, la dernière entrevue, il recevait un économiste. C'était quand même intéressant. Mais là, Glenn, il nous ressortait du oh, l'argent doit circuler comme le sang dans un corps, puis blablabla. Ça, c'est les théories des physiocrates. Les physiocrates qui ont ruiné la France à certaines époques, qui ont ruiné aujourd'hui, qui ruinent l'Europe, qui vont ruiner tout l'Occident. Les physiocrates, là, ouais. On sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient, ces théories-là. La vraie richesse, ce sera jamais ça. Puis ces théories-là, ça mène toujours à la ruine. À la ruine. Puis si vous faites de vos petits intraterrestres puis vos extraterrestres des divinités, ben là, ça va aller encore plus loin, la ruine. Ça va aller encore plus loin. Puis ce qu'on risque de perdre, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est gros. Puis l'espèce de plan de religion mondiale, dans le fond, qui s'en vient, parce que c'est toujours basé l'idée de un seul État, une planète, un État, une monnaie, une religion. Ben, votre religion, au fond, technologique de science-fiction, il y a une majorité de gens, puis vous le savez très bien, qui n'en voudront pas. Qui n'en voudront pas. Donc, à un moment donné, ça essaie que peut-être des fois que la peur change de camp. Parce que moi, je les sens nerveux pareil. Ils sont pas sûrs, hein, dans le fond. Puis on est dans le vague. Puis, ouais. Ouais. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le vague? C'est d'être dans une certaine clarté, être assez clair. Puis il va falloir être ferme par rapport à certaines choses. Puis, bon. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est correct. Ça devrait. Donc, bonne journée.